En 1996, les sportifs du monde entier se rassemblent pour les Jeux d'Atlanta. Richard Jewell, un agent de sécurité sur place, y découvre un sac à dos contenant une bombe et fait évacuer les lieux. Éloignez-vous de la tour ! D'abord salué pour sa réactivité, Richard Jewell devient très vite un suspect. On s'intéresse toujours à celui qui a trouvé la bombe. L'édifiante histoire vraie d'un héros devenu l'ennemi public numéro 1. Il n'y a pas plus coupable que votre client. Mon fils est un héros ! Le cas Richard Jewell, un film de Clint Eastwood, le 19 février au cinéma. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Il est des sujets qui portent à polémique, des moments de l'histoire qui imposent de peser chaque mot. C'est le cas avec génocide arménien. En réalité, le mot génocide ne pose pas de question. Non, il y a bien eu un génocide dès 1915 dans l'Empire ottoman, la Turquie actuelle, contre le peuple arménien. D'ailleurs, ce génocide est reconnu dans la législation de nombreux pays. Quant au qualificatif arménien, peut-être faut-il plutôt dire génocide des Arméniens. En revanche, quand il s'agit de parler du négationnisme turc, des questions se posent. Oh, pas tellement pour négationnisme, hein, parce qu'il s'exprime de manière évidente depuis le génocide, avec une harmonieuse entente de la part des autorités, quels que soient les régimes. La question tient davantage au qualificatif turc. Le négationnisme est-il turc? Peut-il l'être associé à une nation, à un peuple? Ne serait-il pas plus correct de parler d'un négationnisme d'État, d'un négationnisme officiel de l'État turc? Car quelques Turcs ont aidé des Arméniens pendant le génocide, et il est des Turcs qui, aujourd'hui encore, portent un regard clair sur cette mémoire douloureuse. L'historien turc Taner Aksam, que nous recevons ce matin, est de cela. Des travaux qui ne visent pas la division, des recherches qui ne cherchent pas la polémique. S'il porte un regard clair sur ce passé, c'est pour la réconciliation des Turcs avec les Arméniens, sans doute, la réconciliation des Turcs avec eux-mêmes, surtout. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous allons parler d'histoire, évidemment, mais de l'histoire dans son sens le plus proche de l'étymologie, l'enquête. Une enquête à partir d'indices, de traces, de preuves, celle du génocide des Arméniens. Une enquête sur la construction aussi d'un négationnisme, celui de ce génocide. Avec vous, Taner Aksam, bonjour. Hi. Vous êtes historien et sociologue turc, professeur à l'université Clark, c'est dans le Massachusetts, et vous publiez « Ordre de tuer, Arménie, 1915 ». C'est une traduction par Gilles Breton avec une préface d'Annette Becker. Cet ouvrage a paru en 2016, il est traduit aujourd'hui en français. Dites-nous, Taner Aksam, sur la couverture de cet ouvrage au CNRS Éditions, il y a un document. Alors je ne peux pas le lire moi parce que c'est du turc, hein, c'est bien ça, mais qu'est-ce que dit ce document? It is a decree of the Third Army Commander. Le décret de la troisième armée turque. Within which the army commander says. Les commandants de l'armée disent que qui que ce soit qui cache un Arménien chez lui sera pendu devant sa maison et la maison sera brûlée. And this is one of the important c'est un des documents importants qui prouve clairement l'intention génocidaire des autorités turques. And we knew about the existence et nous connaissions l'existence de ces documents it was mentioned in parce que c'était one of the mentionné verdicts in the dans trials l'un des verdicts 1919. Des procès de 1919. But Turkish government mais and the deniers le gouvernement always turc et les négationnistes ont toujours no dit qu'il n'y avait pas d'original de ce document, qu'on ne pouvait pas croire ce verdict ou ces implications. Et ils nous demandaient toujours de montrer les originaux, c'était l'argument principal. Et moi, j'arrive et je montre l'original. Il est en couverture ce document de votre ouvrage, Taner Aksam, Ordre de tuer, Arménie 1915. Nous allons parler de ce moment tragique, ce génocide arménien, avec vous, votre voix française, ce matin dans le cours de l'histoire, et Michel Zlotowski. Merci Michel, mais pour le moment, nous allons faire un petit tour pour contextualiser. Parce que c'est nécessaire toujours en histoire de rappeler les événements, de rappeler le contexte. Eh bien tiens, nous allons en janvier 1982 quand le journal de la première chaîne de la télévision française résume la situation. L'Empire était une mosaïque de peuples. Les Arméniens y tenaient leur place, ils conservaient leur identité, leur religion, leur culture. À la fin du 19e siècle, les mouvements nationalistes qui agitent l'Europe gagnent le Proche-Orient. Les Arméniens manifestent une volonté d'indépendance. Le sultan se fâche. Premier massacre. 1914. L'Empire ottoman s'allie à l'Allemagne dans la guerre contre la France, l'Angleterre et surtout la Russie sur sa frontière. Des Arméniens se rangent aux côtés de la Russie, lèvent des légions de volontaires qui combattent avec les troupes du tsar. Pour les Turcs, c'est une trahison, un coup de poignard dans le dos. Et ils décident de déporter toute la population arménienne vers le sud, hors de la zone des combats. Cette déportation est épouvantable, à marche forcée pour les vieillards, les femmes, les enfants, sans nourriture, sans boisson. De plus, en cette période de grands troubles, les passions deviennent incontrôlables, on massacre furieusement. D'après les historiens turcs, les Arméniens ont perdu alors entre 500 000 et 1 million de morts. C'est devant l'énormité de ces chiffres qu'on a parlé de génocide. Taner Aksam, nous entendons parler de cet empire ottoman. Plaçons-nous en 1915. Cet empire ottoman, ce n'est pas du tout la Turquie actuelle. C'est un territoire beaucoup plus vaste. C'est complètement différent de la Turquie d'aujourd'hui. C'était totalement différent de ce qu'est la Turquie aujourd'hui. Fondamentalement, la population, par exemple, en 1915, 30 ou 35% de la population ottomane était composée de chrétiens. Ils ont été éradiqués, expulsés ou massacrés dans l'Empire ottoman. L'idée principale, c'est que l'idée que les Arméniens luttaient pour un État indépendant est totalement fausse. Les Arméniens réclamaient simplement l'égalité et une justice sociale. Je peux le formuler en deux mots, le problème arménien. Le terrain, la terre, et l'égalité politique. Les terres étaient régulièrement confisquées par les nomades kurdes ou les musulmans. Ils réclamaient le retour de leurs terres. Ils voulaient participer dans l'administration ottomane. Et cette capacité, cette incapacité des autorités ottomanes à donner à la minorité chrétienne l'égalité dans l'administration et dans l'organisation de l'État a été la raison principale pour l'extermination de masse. Donc nous avons un empire, l'Empire ottoman, un territoire avec plusieurs minorités, cette minorité arménienne, chrétienne, une minorité qui représente un nombre important de population quand même. On n'est pas sur quelque chose d'absolument marginal. Yes, if you even recognize or if you even consider these population groups, si vous prenez en compte ces populations avec leur origine ethnique, on pourrait dire que les Turcs étaient en fait eux-mêmes une minorité. Mais c'était l'élite dirigeante, c'était le groupe dirigeant. Et le problème a commencé au 19e siècle. Ça a commencé en Serbie. Et ça s'est propagé à travers la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie. Et chacun de ces groupes était originellement, en fait, en train de demander des réformes agraires et une égalité politique. Et l'Empire ottoman a politiquement réprimé ces réclamations démocratiques et le mouvement s'est radicalisé au cours du temps et les grandes puissances sont intervenues et ça s'est terminé avec les indépendances de ces petits groupes. Je l'appelle cette connaissance accumulative du 19e siècle. Si un groupe chrétien ou toute minorité réclamait l'égalité, ça se terminerait par l'indépendance. today's Turkish government's mentality. Et c'est la mentalité actuelle du gouvernement turc vis-à-vis des demandes minoritaires. C'est ainsi qu'ils comprennent les réclamations kurdes pour l'égalité de la même manière. Quand les Kurdes demandent pour l'égalité, les autorités turques le traduisent en disant « Ah, les Kurdes veulent un État indépendant ». En fait, ils l'ont jamais eu cet État dans l'histoire. Mais une prophétie autoréalisatrice en quelque sorte. C'est eux qui ont créé ce résultat-là. Et finalement, ça a créé ces États indépendants. Dans le processus du génocide, avec des élites ottomanes qui se rendent compte d'une perte de puissance de leur empire, qui sont effrayées, et en 1915, comment ce génocide 1915, bien sûr, le contexte, nous le voyons, c'est la Première Guerre mondiale. Pourquoi, à ce moment-là, les Turcs, alors il va falloir préciser sans doute, hein, Taner Aksam, qui sont ces Ottomans de 1915, pourquoi ces Turcs-là s'attaquent-ils aux Arméniens en 1915? There are several reasons. Il y a plusieurs raisons. But those who were there, the answer Mais ceux qui étaient là, Turkish nationalists. C'était des nationalistes turcs. But they had a strong Muslim support. Mais ils avaient un soutien musulman très fort. Il faut faire une distinction entre l'idéologie de l'élite au pouvoir. Turkish nationalists, c'était des nationalistes turcs, au sens laïque du terme. But on the ground, mais sur le terrain, le problème était entre musulmans et chrétiens. C'était la haine des chrétiens qui a joué un rôle important. Pourquoi donc ces nationalistes turcs, cette élite, a-t-elle décidé d'exterminer les Arméniens? Tout le monde doit avoir une date à l'esprit. Le 19 février 1914, l'Empire ottoman a signé un accord de réforme avec les Russes. Selon cet accord, le gouvernement ottoman acceptait d'établir deux provinces autonomes où les Arméniens auraient le droit de prendre part à l'administration. Les Ottomans, les Turcs, avaient aucun doute que la mise en place de ces réformes, c'est dans le même empire, mais que la mise en place de ces réformes signifiait l'indépendance de l'Arménie. C'est important. Les Arméniens ne demandaient pas l'indépendance. Ils demandaient simplement une autonomie au sein de l'Empire ottoman. When the Russians advanced in the First World War, lorsque les Russes ont avancé, les troupes ont avancé au cours de la Première Guerre mondiale, ils ont lentement occupé les territoires où ces réformes devaient être mises en place. And the Ottomans knew, et les Ottomans savaient, when the Russians took over this territory, lorsque les Russes prendraient possession de ces territoires, ils mettraient en place ces réformes et qu'ils perdraient, les Turcs perdraient ces territoires. Donc avant que les Russes n'arrivent, il valait mieux se débarrasser des Arméniens, parce que sans Arméniens, il n'y aurait pas de province indépendante. Taner Aksam, nous parlons de géopolitique, nous parlons de rivalité à l'intérieur même des pays. Et en 1915, il y a ce génocide que nous allons regarder maintenant du point de vue de l'individu. Du point de vue de l'individu avec Jeannette Gallon qui, en avril 1999, témoignait dans l'émission « Foi et tradition des chrétiens orientaux », Jeannette Gallon qui évoque, pour l'avoir vécu, le génocide arménien. On a marché, on a marché, on a marché, des mois, des femmes, des enfants, des femmes enceintes, des vieilles femmes, il y avait tout. Et vous savez, il y avait des chevaux sur les côtés, avec les martinets à la main, les Turcs étaient assis sur les chevaux, et si vous ne marchez pas, ils vous tapaient sur la tête. Ils vous tapaient tant qu'ils pouvaient. Alors on tombait par terre, tout le monde piétinait là-dessus, parce qu'on était en... Mais on n'avait rien à manger. Il y avait ma tante, la sœur de mon père. Il avait deux filles. Il y en avait une de 12 ans, l'autre qu'il avait 10 ans. Ils sont venus les Turcs le soir. Ma tante était assise avec ses deux filles, sur les genoux comme ça, assise. Ils ont pris. Les deux filles sont parties. Les Turcs sont venus. Ils ont tapé sur la mère. Ils ont pris les deux enfants. Et peut-être une heure, deux heures après, une heure après, je ne sais rien. On a amené les deux enfants, coupé les têtes, penché sur le côté, ouvert la peau. Le ventre. On a amené sa mère, ils ont léché sous les genoux, ils sont partis. témoignage glaçant de Jeannette Gallon. C'est en avril 1999 que Jeannette Gallon a livré ce témoignage. Dites-nous, Taner Aksam, quand nous évoquons le génocide arménien, nous parlons donc d'un mot, le mot génocide, qui couvre un imaginaire. Que s'est-il passé en fait? Comment ont été tués ces gens, ces milliers, centaines de milliers, plus d'un million de personnes? It is heartbreaking story, of course. Cette amazing. Histoire fend le cœur, ce qu'on vient d'entendre. And it reminds us. Ça nous rappelle que les individus sont sur le terrain et qu'ils ont toujours le choix, soit d'aider ces malheureux pour les aider ou de les attaquer, de les tuer. Malheureusement, il n'y en a pas eu beaucoup de justes musulmans pour aider les Arméniens à sauver leur vie. C'est un chiffre très faible. And it was really those Muslims on the ground. C'était ces musulmans sur le terrain. Because of several different reasons. Pour diverses raisons. Economic and rich. Économique, l'enrichissement économique. Hatred. La haine. Religion. La religion. Ideology. L'idéologie. And they attacked. Ils ont attaqué les Arméniens sur le terrain et les ont exterminés. Il y a toujours des options pendant un processus génocidaire. On peut agir en bonne conscience et il faut lutter pour être ouvert, clair. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune excuse pour attaquer d'autres êtres humains et pour les exterminer. Et en l'occurrence, lors du génocide des Arméniens, il y a les forces ottomanes, turques, il y a les Kurdes également. Mais on va dire que dans ces déplacements de population, parce que l'argument donné par les autorités est un déplacement de population, lors de ces déplacements, de ces marches de la mort, tout est laissé possible, notamment à des groupes de bandits qui sont placés là volontairement par les autorités pour qu'ils tuent ces Arméniens. Yes, they organized the entire genocide. Organisé tout le processus génocidaire. Official relocation movement. En fait, ils l'ont appelé un mouvement de relocalisation des populations, that the killings déplacement des populations. Should happen et faisait très attention pour que les assassinats se produisent en dehors des villes, on the remote areas. Dans des endroits éloignés. Government organized special le gouvernement forces, a organisé des forces spéciales, Tashkila Susahsuta, et les déportés étaient amenés vers certains lieux où ces unités spéciales ou des musulmans ou des tribus kurdes ont attaqué ces groupes de déportés et les exterminaient sur place. Ils exterminaient principalement la population mâle. Il y avait des enfants, des femmes également qui ont été tués. Mais principalement, ils laissaient les femmes et les enfants aller dans cette marche de la mort vers Der Zor. Ils ont d'abord déporté les gens qui résistaient en fait à ces ordres de déportation. Et la partie qui a pu arriver au désert syrien, ils ont été exterminés dans la seconde phase du génocide dans le désert, dans les mois d'été de 1916 principalement, et à la fin, 1,5 million d'Arméniens ont été exterminés. Voilà, c'est le chiffre que l'on connaît aujourd'hui, Taner Aksam, c'est 1,5 million d'Arméniens. Il y a évidemment toujours des polémiques autour des bilans de ces horreurs. Mais pour le génocide arménien, ces polémiques se doublent d'une construction, d'un négationnisme. Et c'est ce que vous avez étudié dans Ordre de tuer, Arménie 1915, qui est au cœur, en fait, du génocide arménien. Nous allons écouter justement le témoignage d'un négationniste turc. Négationniste turc enregistré en avril 2015. Moi, je n'ai jamais entendu parler d'un peuple opprimé dans l'histoire ottomane. Si les Arméniens disent que c'est un génocide, nous aussi on peut dire ça pour ceux qui nous ont fait. Je ne trouve pas que les Arméniens ont raison. Les querelles du passé appartiennent au passé. Ce qui est fait est fait. Les Arméniens ont pillé des villages turcs et les Turcs ont pillé des villages arméniens. C'est tout. Je ne sais rien à ce sujet. Mais je ne suis pas convaincue qu'il y a eu un tel génocide. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'en ai jamais entendu parler. Taner Aksam, vous démontez la construction de discours officiel porté par la Turquie qui dit qu'il n'y a pas eu de génocide arménien. Pour le démonter, il faut bien le connaître. Taner Aksam, quel est ce discours? Qu'est-ce qu'il s'est passé selon les Ottomans en 1915 et puis après les différents pouvoirs qui se sont succédés en Turquie? La personne que vous venez d'entendre est un excellent exemple des citoyens turcs qui sont restés dans l'obscurité. Il n'a été incapable d'avoir accès à la vérité, mainly which can be shown by qui pourrait être montrée materials. Par des documents, des preuves matérielles. Genocide from all other mass atrocities? Quelle est la différence entre les génocides et les autres massacres? Important point is, le point important, c'est que or not, a government de savoir si oui ou non un gouvernement avait une politique pour intentionnellement exterminer un groupe de population. Turkish denialist policy over the decades is la politique négationniste turque est la suivante. They say, ils disent, of course there were some casualties, bien sûr, il y a eu quelques but victimes, Ottoman government mais le gouvernement had ottoman never a genocidal intention. N'a jamais eu d'intention génocidaire. You can never show us vous ne pourrez jamais nous montrer un document original clearly indicates qui indique clairement l'intention génocidaire des autorités turques et ottomanes. Because parce they que hide these soit ils ont caché ces documents or destroyed these ou ils documents. Les ont détruits. And in my book, dans mon livre, I revealed an important j'ai amount révélé of these documents clearly shows une quantité importante de documents authorities, qui prouvaient l'intention génocidaire des autorités ottomanes, des télégrammes, des ordres, des discours disant clairement nous avons décidé d'exterminer les Arméniens. Ce sont des documents originaux et on ne peut pas discuter l'authenticité de ces matériaux. Il faut réfléchir à un narratif. Je n'ai aucun doute qu'ils continuent à nier le génocide. Mais ils ne pourront pas continuer avec les vieux outils. Ils devront mettre en place un nouveau récit pour continuer à nier le génocide. Effectivement, Taner Aksam, Ordre de tuer Arménie 1915, c'est votre livre aux éditions du CNRS. C'est cette enquête, et nous sommes là au cœur du problème, la recherche du document original qui prouve qu'il y avait une volonté génocidaire de la part des autorités ottomanes et une volonté de la part des autorités turques ensuite de cacher ce génocide. C'est ce qui nous intéresse ce matin dans le cours de l'histoire sur France Culture et en clin d'œil et en hommage à ce qui s'est passé en Turquie, pendant la Première Guerre mondiale, nous écoutons Charles Aznavour. Ils sont tombés. Ils sont tombés, sans trop savoir pourquoi. Hommes, femmes et enfants, qui ne voulaient que vivre. Avec des gestes lourds, comme des hommes ivres. Mutilés, massacrés. Les yeux ouverts d'effroi, ils sont tombés en invoquant leur Dieu au seuil de leur église ou le pas de leur porte. Entrepôt de désert qui tumente encore, terrassé par la soif, la faim, le fer, le feu. Nul n'éleva la voix dans un monde euphorique, tandis que croupissait un peuple dans son sang. L'Europe découvrait le jazz et sa musique, les plaintes des trompettes couvraient les cris d'enfants. Ils sont tombés pudiquement sans bruit. Par milliers, par millions, sans que le monde bouge, devenant à l'instant minuscule fleur rouge, recouvert par un vent de sable, et puis d'oubli. Ils sont tombés, les yeux pleins de soleil, comme un oiseau qu'en vol une balle fracasse, pour mourir n'importe où et sans laisser de traces, ignorés, oubliés dans leur dernier sommeil. Ils sont tombés croyant ingénus que leurs enfants pourraient continuer leur enfance, qu'un jour ils fouleraient des terres d'espérance dans des pays ouverts d'hommes aux mains tendues. Moi, Charles Aznavour, Ils sont tombés dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi. Aujourd'hui dans le cours de l'histoire, ordre de tuer, Arménie 1915, nous évoquons le génocide arménien et les preuves, la recherche des documents originaux qui montrent que les autorités ottomanes ont voulu planifier ce génocide. Taner Aksam, dès l'après-génocide, dès le début des années 1920, il y a déjà des documents qui circulent. Yes, there were documents in 1920s. Il y avait des documents dans les années 1920. And we have to talk about two different set of archival materials. Il faut parler de deux jeux d'archives qu'il faut distinguer l'une de l'autre. One are or is the documents belong to the Istanbul military tribunal. Qui appartiennent aux tribunaux militaires d'Istanbul. Après la Première Guerre mondiale, à Istanbul, un nouveau gouvernement opened investigations a ouvert regarding une enquête the crime during the war, concernant les crimes durant and la guerre. There were altogether 63 different trials, 63 jugements, a lot of documents beaucoup came de documents daylight. Ont été mis à jour. Killing orders, les ordres de tuer. In form of telegrams, sous forme de télégrammes. Or testimonies, des témoignages. Ottoman bureaucrates and de bureaucrates governors de and army officers, they testified in the court, des and they officiers approved qui or they ont témoigné the devant les tribunaux decision, qui ont admis and ces décisions the génocidaires of victims, et les témoignages des victimes. And today we don't et have aujourd'hui, any access to these on n'a plus accès à ce matériau. And we have only in some indictments and verdicts dans, of on a these simplement trials. Les accusations et les verdicts where de are ces jugements. These thousands of materials? Où sont ces milliers de documents? Somewhere quelque part, caché Ankara, in military archive, maybe, dans les archives militaires d'Ankara, peut-être, ou ailleurs, nous ne savons pas. But Armenian patriarchate mais in le patriarcat arménien d'Istanbul right avait le droit to represent some Armenians de représenter the trials, certains Arméniens pendant les procès, right et ils avaient le droit d'accès documents à certains documents originaux. 1922, en 1922, when Turkish nationalists took over Istanbul, les nationalistes turcs ont pris Istanbul, Armenian le patriarcat arménien a envoyé tout ce matériau des procès Manchester, à Manchester, et de Manchester à Marseille, de Marseille, c'est arrivé à Jérusalem. In Jerusalem, Armenian patriarchate, à Jérusalem, we have le patriarcat arménien a ces matériaux, somehow they ces documents. They closed. Ils sont restés enfermés là-bas. An Armenian Catholic Catholic priest, un prêtre catholique arménien, Grigor Gergerian, Grigor Gergerian, qu'il faut remercier, est allé dans les années 1960 et il a filmé, il a photographié tout ce matériau des procès. J'ai eu l'occasion en 2015 de regarder ces matériaux et certains de ces documents sont publiés dans ce livre. Vous pouvez voir les documents originaux dans mon livre. Effectivement, dans votre livre, Taner Aksam, ordre de tuer. Eh bien justement, nous allons écouter la lecture d'un de ces documents. Ce document dont la lecture a été faite en 1984, est signé Talat Pacha, le ministre de l'Intérieur. Talat Pacha écrit de Constantine le 15 septembre 1915 et la situation est claire. Le gouvernement a décidé d'exterminer entièrement les Arméniens qui habitent en Turquie. Ceux qui s'opposeront à cet ordre ne pourront plus faire partie de l'administration. Sans égard pour les femmes, les enfants et les infirmes, quelque tragiques que puissent être les moyens d'extermination, sans écouter les sentiments de la conscience, il faut mettre fin à leur existence. Constantinople, le 15 septembre 1915, signé Talat Pacha, ministre de l'Intérieur. Taner Aksam, un document comme cela nous donne deux informations majeures. La première, c'est que la décision est très claire. La seconde, c'est qu'en disant « vous ne pouvez pas aider les Arméniens », ça veut dire que malgré tout, quelques Turcs, pas grand nombre, pouvaient aider les Arméniens. First of all, about this telegram, this is the second set of archives. Au sujet de ce télégramme, c'est le deuxième jeu d'archives dont je voulais vous parler. En 1918, un bureaucrate arménien d'Alep, qui travaillait au bureau des déportations à Alep, a transmis ces documents originaux à un intellectuel arménien, Aram Andonian. Aram Andonian a publié ces documents en 1921 dans un livre en arménien et en français. Depuis cette époque, le gouvernement turc nie l'exactitude de ces documents sur trois terrains, sur trois raisons. D'abord, il n'existe pas quelqu'un, un bureaucrate du nom de Naïm Bey. Il n'y a pas de matériaux écrits d'un certain Naïm Bey. Troisièmement, tous ces télégrammes qui prétendument sont originaux sont des faux fabriqués par les Arméniens. Et grâce à Krikor Gergerian, ce prêtre arménien, qui a rencontré Aram Andonian dans les années 1950 et a photographié tous ces matériaux, toutes ces preuves, et lui les a conservés secrètement dans ses archives. Et j'étais capable de regarder, de voir ces preuves et de les publier. J'ai découvert qu'il y avait un bureaucrate ottoman, Naïm Bey, en me fondant sur des documents ottomans. J'ai découvert les matériaux originaux de la main de Naïm Bey. Et j'ai montré que ces télégrammes étaient des originaux. Pourquoi ? Comment est-ce que je peux prouver que ces télégrammes sont des originaux ? C'est très simple. Les télégrammes publiés par Andonian includes 2-digit or 3-digit Arabic numbers. Inclut trois ou deux ou trois nombres en arabe. Every 2-digit or 3-digit is tous les deux, for trois a word, or signifie a un mot ending, or ou un suffixe ending, and so on. Ou un pluriel, etc. And the Turkish denialist et les négationnistes turcs disent que Ottoman government le gouvernement ottoman ever n'a jamais utilisé un système de chiffrage à deux ou trois they chiffres. J'ai travaillé dans les archives ottomanes et j'ai découvert qu'il y a des dizaines de systèmes de codage à deux ou trois chiffres. We can even decode these on peut non seulement montrer ces documents chiffrés à deux ou trois chiffres, mais on peut les décoder. On peut les décoder. 85-19, ça signifie arménien. 48-89, ça signifie déporté, etc. Eh bien, nous allons écouter une communication secrète. Une communication secrète adressée par le ministère de l'Intérieur au gouvernement principal d'Alep, qui est datée du 22 octobre 1915 et qui nous est lue aujourd'hui dans le cours de l'histoire par Camille André. En ce qui concerne les Arméniens, leurs droits en territoire turc, tels que les droits de vivre et de travailler, ont été supprimés. Il ne doit pas en rester un seul, pas même un nouveau-né dans son berceau. Le gouvernement assume toute responsabilité, et des mesures efficaces ont d'ores et déjà été prises dans certaines provinces. Il faut impérativement empêcher la population, qui ne comprendra jamais la politique du gouvernement sur cette question, de protéger ces personnes ou de leur sauver la vie. En ce qui concerne l'expulsion de ces personnes, aucune excuse ni exception ne doit être tolérée, qu'il s'agisse de femmes, d'enfants ou de personnes qui ne peuvent se tenir debout ni marcher. Vous ne devez pas perdre de temps. Travaillez de toute votre âme et de tout votre être. Prévenez les responsables qui exécutent ce service qu'ils ne doivent pas se préoccuper de la question de la responsabilité, mais faire tout leur possible pour atteindre le véritable but de cette opération. « une communication secrète adressée au gouvernement principal d'Alep et signée de, et là c'est intéressant, encore une fois, Talat Pacha, le ministre de l'Intérieur. Nous sommes le 22 octobre 1915. Dites-nous, Taner Aksam, mais qui est ce Talat Pacha que nous évoquons plusieurs fois depuis que nous parlons du génocide arménien? C'est un des fondateurs de l'Union du Progrès, le Parti de l'Union du Progrès. C'était un qui travaillait à la poste. Il a mis en place le parti à Salonique. C'était le centre du parti. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de talent. Il a uni tous les jeunes Turcs d'Union et Progrès autour de sa personne. Il a développé une politique nationaliste extrêmement forte dans les premières années déjà, mais principalement après 1911-1912, les guerres du Balkan. Il avait la conviction que pour sauver l'Empire ottoman, pour pouvoir atteindre cette survie, ça ne serait possible que si la population chrétienne était éliminée de l'Anatolie. Et il a mis en place ce plan. Il a mis en place ce plan, et ce qui est troublant dans la lecture de votre ouvrage « Ordre de tuer, Taner Aksam », c'est que la négation du génocide est née en même temps que le génocide. Il y a une réflexion dès le début d'éliminer toutes les traces. Je crois que c'est une caractéristique importante du génocide. Ils ont commencé à créer leur récit parallèle, leur réalité parallèle, dès le début de l'événement. Je n'en donne qu'un seul exemple. Le 24 avril 1915, ils ont arrêté à peu près 180 intellectuels. Ces intellectuels ont été emmenés vers diverses prisons proche d'Ankara aujourd'hui, la capitale d'aujourd'hui. Et ces intellectuels arméniens ont été extraits par petits groupes des prisons et ils ont été exterminés sur la route. Mais je peux montrer des documents ottomans que ces Arméniens prétendument se sont échappés lorsqu'ils étaient en route vers la Russie ou ont été relâchés de la prison, etc. Donc en fait, on peut construire une autre vérité, une autre histoire en se fondant sur ces documents parallèles. Bien sûr, on peut se poser la question, pourquoi l'ont-ils fait? La réponse la plus simple, c'est que ils étaient suffisamment intelligents. Ils pensaient que tout assassin tente de couvrir ses crimes. Même pendant la Shoah, ils ont utilisé un langage. L'euphémisme est la caractéristique de chaque génocide d'utiliser une langue particulière pour que ces intentions d'extermination n'apparaissent pas dans l'utilisation du langage. Mais je crois qu'il y avait une seconde raison pour les Ottomans. Ils mettaient en place ce plan, ils l'exécutaient devant les Allemands et des missionnaires américains et le gouvernement américain. Et le gouvernement ottoman n'était pas fort. Il devait organiser tout ce processus d'extermination à travers leur faiblesse. Il fallait cacher, tromper les Allemands et les Américains, comme si tout le processus n'était simplement qu'un processus de mouvement de population. Et les Allemands ont cru pendant longtemps qu'il s'agissait simplement d'un processus de déménagement de ces populations. C'est l'importance du génocide arménien d'aujourd'hui. Il faut être capable de faire la différence entre des documents qui ont été produits à dessein pour cacher les vrais documents, les crimes, et les documents qui montrent ouvertement l'intention génocidaire. Comment le faire? C'est très simple. On ne peut pas cacher la vérité. Elle apparaîtra d'une manière ou d'une autre. C'est le pire de la vérité. On ne peut pas la cacher. On ne peut pas la cacher, cette vérité. Et puis, elle est portée par des êtres humains depuis ces événements, depuis 1915. Un extrait d'un film, Une histoire de fou, un film de Robert Guédiguian en 2015. Et Robert Guédiguian s'intéresse à la SALA, l'armée secrète arménienne de libération de l'Arménie. Une armée qui a agi dans les années 1960 et encore après, la SALA, qui en fait trouve ses origines dès les années 1920 avec ces Arméniens qui notamment tuent Talat Pacha. On peut pas parler de vengeance là, on peut parler presque de résistance. Une histoire de fou de Robert Guédiguian. Nous sommes de purs révolutionnaires, solitaires, indépendants, orgueilleux et fiers. Aucune force au monde ne pourra salir notre lutte ni épuiser notre volonté. Vos pères se vengeaient comme Télérian. Et au moins, ils ont tué une cinquantaine des 500 criminels de la liste qu'ils avaient établie. Depuis, plus rien. Votre génération a renoncé. Vous êtes vos propres fossoyeurs. Soyons les héritiers de Télérian et finissons son œuvre de justice. Justice pour le peuple arménien. J'ai toujours dit que j'étais arménien. Je n'ai jamais trahi personne. Je te respecte pour ça. Et pour le reste, tu me méprises. Une histoire de fou, le film de Robert Guédiguian en 2015 qui s'intéresse à l'armée secrète arménienne de libération de l'Arménie, la SALA. Et Robert Guédiguian montre bien qu'il y a la génération directement concernée par le génocide qui n'est peut-être pas celle qui va porter la lutte et la mémoire. C'est la génération des enfants et des petits-enfants qui va porter cette lutte. Et cette lutte s'appuie, Taner Aksam, avec des documents. Nous avons des photographies et puis des documents qu'on a longtemps dit faux ou inexistants, et vous prouvez dans votre ouvrage Ordre de tuer qu'ils sont originaux. Mais comment le gouvernement turc, comment les puissances internationales ont pu nier l'évidence? Je pense aux photographies notamment. Elles sont là, les photographies. Ils ont réduit ça à, regardez, c'est un tout petit massacre local. La raison principale pour laquelle la communauté internationale ou les grandes puissances ont nié le génocide arménien ou ne font pas pression sur le gouvernement turc pour reconnaître la vérité historique, c'est l'intérêt des grandes puissances au Moyen-Orient. Ils font une distinction claire mais erronée entre un problème moral qui fait partie de l'histoire et des intérêts nationaux actuels. Nous le voyons très clairement dans le gouvernement américain. Ils disent, bien sûr, nous savons ce qui s'est passé en 1915, que c'était un génocide, mais nous avons nos intérêts nationaux au Moyen-Orient et c'est un problème sécuritaire pour nous. Et la Turquie est un bon partenaire. On ne peut pas mettre la Turquie en colère en raison d'un problème historique. Ça appartient à l'histoire. Oui, moralement, on comprend. Mais allons de l'avant. Nous avons des problèmes actuels graves. La Syrie, la Turquie, la Russie. On connaît tous ces problèmes. Cette compartimentalisation, mettre en compartiment, faire une distinction entre les abus des droits de l'homme du passé et les problèmes actuels, c'est l'erreur principale commises par les grandes puissances. Une des raisons principales pour laquelle nous avons encore des problèmes au Moyen-Orient, entre différentes nations, ou en Turquie, le problème des droits humains, le problème de la démocratie, c'est parce que la Turquie ne veut pas reconnaître ses propres crimes du passé. Lorsqu'un pays nie ses crimes du passé, cela signifie qu'ils sont prêts à les répéter. Il y a un potentiel de répétition des crimes historiques. Et si on ne fait pas face à ces crimes du passé, Si vous ne critiquez pas les abus des droits humains du passé, vous ne pouvez pas respecter les droits humains aujourd'hui et vous ne pouvez pas créer un avenir démocratique. C'est la raison pour laquelle il y a des problèmes actuels au Moyen-Orient. Donc faire face à l'histoire, reconnaître les méfaits du passé, ce n'est pas un problème moral du passé, c'est un problème actuel au Moyen-Orient d'aujourd'hui. Il faut résoudre le problème. Taner Aksam, votre livre a paru en 2016. Il est traduit aujourd'hui aux éditions du CNRS en français. Il a été lu en Turquie. Comment peut-on maintenir le négationnisme officiel face aux évidences que vous apportez et qui sont reconnues? Nous ne sommes pas dans le livre en marge, c'est-à-dire 2016, la sortie du livre est un moment de référence. There is a general rule. Il y a une règle générale. You cannot defeat denialism with academic work. On ne peut pas combattre et défaire le négationnisme par un travail universitaire. Ça n'a rien à voir, le négationnisme, avec des recherches académiques ou universitaires. On peut développer et écrire énormément de livres dédiés, des musées, des documentations entières. Ces gens-là vont continuer à nier. Même dans l'histoire de la Shoah, il y a tellement de négationnistes. Mais la seule différence entre la Shoah et le génocide arménien, c'est le pouvoir politique. On ne peut battre véritablement le négationnisme que par la politique. If you want to understand, si vous voulez comprendre the entire problem, tout le problème, please compare Turkish denialism, comparez le négationnisme turc avec le régime d'apartheid de l'Afrique du Sud. Racism is a structure. Le racisme est une structure created policies, qui a créé des politiques and it can only be defeated et elle ne peut être défaite que politiquement. And this is the problem with Turkish denialism. Et c'est le problème du négationnisme turc actuel. D'où la nécessité du politique, Taner Aksam. Votre ouvrage est dédié, vous l'écrivez, à mon cher ami Hrant Dink. Je ne sais pas si je le prononce bien, Hrant Dink. Écoutez ce qu'il disait. C'était en octobre 2005, quand la deuxième chaîne de la télévision française est allée à Istanbul interviewer Hrant Dink. Le gouvernement ottoman ordonne la déportation massive des Arméniens. 1 500 000 morts, 300 000 selon les Turcs. Le premier génocide de l'histoire aux yeux de la communauté internationale. Un génocide, un mot dont la seule évocation pendant un siècle était passible d'emprisonnement en Turquie. Mais une page s'est tournée il y a 15 jours. Malgré des manifestations de nationalistes, s'est tenu un colloque impensable il y a encore quelques années, un colloque évoquant les déportations d'Arméniens. L'histoire officielle est écrite avec des mensonges et des erreurs. Mais ce qui ébranle les Turcs, c'est que derrière la question arménienne, il y a des peurs, comme de devoir restituer des terres spoliées aux Arméniens ou de payer des compensations. C'est ce qui fait peur aux Turcs. C'est ce qui explique qu'on n'ose pas aborder ce sujet. Nous venons d'entendre Hrant Dink, à qui est dédié votre livre, Taner Aksam. Vous écrivez à mon cher ami Hrant Dink, qui rêvait de rassembler Arméniens et Turcs autour de la vérité et de la justice. Il faut dire un mot de cet homme. Well, he was a maybe a hero for a lot of people. C'était peut-être un héros pour beaucoup. He is a very important symbol. C'était un symbole très fort. But he was a buddy of mine. He was a very Mais close c'était un friend copain. Of mine. C'était quelqu'un qui m'était très proche. I lost a very dear friend. J'ai perdu un ami très cher. Il a été assassiné. Il a été assassiné. C'était en 2017. And those who killed him. Et ceux qui l'ont tué. Actually. En fait. Helped his ideas. Soutenu ses idées, finalement. What Hrant could not achieve, ce que lui n'a pas pu réussir à faire when he was alive, lorsqu'il était vivant, I think his assassination, je pense que son assassinat made his message a fait passer son message de façon beaucoup plus forte et de telle sorte qu'il a été entendu par de nombreuses personnes. And there are now hundreds, et maintenant, thousands, il y a des centaines, voire des milliers, didn't hear Hrant when he was alive. Qui n'avait pas entendu Hrant lorsqu'il était vivant. Ils sont prêts désormais à lutter pour les rêves de Hrant. Je suis vraiment très engagé à lutter pour l'ouverture des frontières entre la Turquie et l'Arménie et appeler ce portail entre les deux comme le portail Hrant, parce que lui voulait que ces deux nations puissent être réunies sur la vérité, sur la justice. Donc, il faut poursuivre à réaliser ses rêves. For what I'm really committed. Et c'est ce à quoi je suis totalement engagé. Merci beaucoup Taner Aksam, Ordre de tuer, Arménie 1915, CNRS édition. Merci à votre voix française aujourd'hui, Michel Zlotowski. Merci beaucoup pour ce livre. Thank you for having me here. Merci beaucoup de m'avoir invité ici aujourd'hui. Thank you so much for the translator. Et merci aussi à l'interprète. C'était un excellent programme. Merci beaucoup. Et il est l'heure désormais, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Kien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Ce matin, dans le journal de l'histoire mondiale d'un immeuble parisien. C'est d'abord l'histoire d'un film. Ruth Zilbermann cherche un immeuble pour raconter son histoire, pour retrouver toutes les vies qui s'y sont déroulées. Un bâtiment de l'Est parisien comme on en croise tous les jours sans y prêter attention. La réalisatrice, auteure d'une épopée magnifique de la dissidence dans les républiques soviétiques, sort de l'histoire des idées contestataires transnationales pour s'attacher à épuiser un lieu sur les traces de Georges Perec. Il sera dans le 11e arrondissement de Paris, au 209 rue Saint-Maur, dans un quartier historique de la vie immigrée, mais aussi un quartier où l'occupation et l'antisémitisme ont ravagé les familles qui s'étaient inventé une vie parmi les autres, où l'anodin était la norme, des cages d'escalier, des appartements surpeuplés, des enfants qui jouent dans les cours, des regards à la fenêtre et les va-et-vient d'un quotidien ordinaire. Au 209, il y avait un garçon de café chez Larache, une femme de chambre, une ouvrière batteuse d'or, un ouvrier zingueur. C'est par là que tout commence. Des métiers, des noms, retrouvés dans le recensement de 1936, le dernier avant la guerre. Ruth Zilbermann part de cet îlot urbain pour retrouver les enfants du 209 en province ou à l'autre bout du monde, aux États-Unis et jusqu'en Australie. C'est d'abord Odette qu'elle retrouve à Tel Aviv et qui sera le premier témoin, celle qui attribue les noms ou les descriptions à chaque fenêtre de la cour. Odette qui sera la première à raconter avant les autres, avant Henri, nouveau-né abandonné par sa mère déportée au bras de la gardienne de l'immeuble et de l'assistance publique. Le 209 rue Saint-Maur est devenu un livre aussi. On y découvre les coulisses de cette recherche, entre les archives administratives repérées par les historiens et l'obsession qui tient Ruth Zilbermann de comprendre la vie sensible de ce lieu, des vies disparues mais aussi de celles qui y sont aujourd'hui. L'histoire s'étend désormais du 19e siècle à nos jours. On y croise les tragédies de l'amour trahi et de l'histoire des travailleurs venus du Maghreb, d'autres histoires de l'immigration en France. Écrire après avoir filmé, c'est dire tout ce qu'on n'a pas pu montrer. Les échanges minuscules qui disent tout au moment où la caméra est rangée, où la porte est sur le point de se refermer après les remerciements de rigueur. Ruth Zilbermann n'a pas épuisé ce lieu, elle y a retrouvé l'histoire sensible d'un espace de vie et d'histoires minuscules qui expriment toutes les nuances de la collaboration et de la clandestinité, de la complexité des identités et de leur intimité. Merci beaucoup Anaïs Kien. Et pour retrouver le journal de l'histoire, c'est en podcast et en écoute en ligne sur notre site internet franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Camille André. Vous pouvez réécouter ces émissions en ligne sur le site internet lecoursdelhistoire.franceculture.fr ou bien en balade aux diffusions, le podcast. Et puis bien sûr, retrouvez-nous sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire.